j'ai vu la misère. Tu me fais penser à moi, ces étoiles qui brillent dans l'univers. Ils me font penser à toi, tu n'as jamais supporté l'hiver. Tu me fais penser à moi, n'oublie jamais l'espoir nous libère. Je pense qu'on est si à moi. Je pense qu'on est si à moi. Je pense qu'on est si à moi. Mani na na mwana nzambe, mani na na mwana lo, mani mani na na lole, na mwana bazize lwa nzambe, mani na na mwana friga, mani na na mwana nzambe, mani mani na na friga, mani na na friga bazize lwa nzambe. Tu ne le fais pas, mais dès que tu pleures, ma mère ne pleure aussi. Même loin de moi, quand tu mets les bras, mon espoir me refuse. J'ai vu la misère, tu me fais penser à moi. Ces étoiles qui brillent dans l'univers, ils me font penser à toi. Tu n'as jamais supporté l'hiver. Tu me fais penser à moi, n'oublie jamais l'espoir nous libère. Je pense qu'on est si à moi. Je pense qu'on est si à moi. Je pense qu'on est si à moi. Mani na na mwana nzambe, mani na na mwana lo, mani na na nzambe na na mwana banjelo. Mani na na mwana Africa, mani na na mwana nzambe, mani mani na na Africa, mani na na mboka na banko mwa mboka. Tu ne le sais pas, mais dès que tu pleures, ma mère le pleure aussi. Même loin de moi, quand tu mets les bras, mon espoir me refuse. J'ai vu la misère, tu me fais penser à moi. Ces étoiles qui brillent dans l'univers, ils me font penser à toi. Tu n'as jamais supporté l'hiver. Tu me fais penser à moi, n'oublie jamais l'espoir nous libère. Je pense qu'on est si à moi. Je pense qu'on est si à moi. Je pense.